Ta psychorde, moi l'espace pour me remettre à danser. Mon corps sentait la menace qui arrivait et me submergeait comme la vague inexorable, emportant tout sur son passage. Me rapporte à Okusai, les tsunamis deviennent rythmiques. On se meurt où il faut qu'on aille, sur la terre aux secousses sismiques. Le Japon d'une humeur égale, face à l'urgence des centrales radioactives dangereuses, humainement monstrueuses. Explosif périlleuse, la thyroïde sera malade.